Actuellement, la médecine moderne, elle qui tente toujours de repousser les limites, permet diverses transplantations de greffes d'organes. On n'a qu'à penser aux reins, cœur, foie et poumons, en plus des membres. Et non, la tête, ce n'est pas un membre, quoique certains pensent que leur membre est une tête. Mais à cette heure, il est toujours impossible de le faire pour le cerveau, du moins dans les règles de l'art, ce qui n'est évidemment pas mon cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Et non, la technologie médicale ne permet pas de remplacer un cerveau malade ou déficient. Et c'est bien malheureux que mes pratiques soient encore douteuses légalement, parce que j'aurais bien remplacé tous les vôtres, et ce, gratuitement, simplement pour avoir ne serait-ce que l'impression que lorsque je vous communique quelque chose, que ce ne soit pas comme si je parlais une livre de beurre. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il regarde les notes de son diagnostic, qu'il vous regarde à son tour, et qu'il vous dit « Décidément, mon cher, je ne sais pas trop quoi en penser de cette carence en intelligence. Mais au moins, évitez de demeurer au soleil ou près d'une source de chaleur. Ce serait vraiment trop triste de voir votre mince intellect couler par vos narines. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. » Because fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, because I, Pendragon, said so. In memoriam of Martin Eric Stricker Hayne. Let's go. je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 24 octobre de l'an de disgrâce 2017, je suis le Dr. Pain Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Pièce d'ouverture pour cette édition de réanimation qui nous rappelle que samedi dernier, soit le 21 octobre, Martin Eric Stricker, alias Martin Eric Ain, bassiste de Celtic Frost, a rendu l'âme à l'âge très jeune de 50 ans d'une cause, une crise cardiaque. Pas beaucoup de détails jusqu'à présent à savoir est-ce que c'était une faiblesse qu'il avait depuis un certain temps ou de naissance, que c'était héréditaire, ou est-ce que c'était parce que Martin avait un rythme de vie qui était peut-être un petit peu trop en dents de scie, freiné. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une triste nouvelle pour les amateurs de métal, surtout ceux qui ont été des amateurs des premières heures, entre autres, peut-être plus précisément dans les années 80, avec entre autres cette formation Celtic Frost, qui aurait été énormément influente et très pionnière dans le métal plus extrême. Voilà, c'est triste, mais c'est ainsi. Ce soir à l'émission, quand même un certain nombre de nouveautés. Je parle de la formation suisse Samael, de la Norvège Enslave, ainsi qu'une autre formation norvégienne Sarké, qu'on prononce d'une façon assez particulière, mais j'ai complètement oublié la façon de le faire, donc je vais simplement le prononcer comme je le crois, Sarké. Je vous dis déjà que le titre de l'album, celui-là, j'ai complètement oublié comment le prononcer, peu importe. On va poursuivre musicalement tout de suite. Oui, évidemment, il y aura une chronique cinéma très courte, mais une chronique cinéma plus longue de suggestions pour l'Halloween. On va poursuivre musicalement, comme je le disais tout de suite, dans un... D'ailleurs, on va entendre Enslave, mais de 2015, dans ce prochain bloc, avec une concoction un peu plus progressive. On débute tout de suite avec Holpeth et l'excellent The Funeral Portrait. Let's go! We'll be right back. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Salut, moi c'est Alex. Tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif, mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. Besoin de parler, de vous confier, de partager? Télécoute Trois-Rivières vous tend l'oreille. Un service où l'écoute est prioritaire et se fait dans le plus grand respect. Télécoute Trois-Rivières, du lundi au jeudi, de 15 à 22 heures. Vendredi et samedi, de 18 à 22 heures. Et le dimanche, de 18 à 21 heures. Télécoute Trois-Rivières, parce que la vie est pleine d'émotions. Télécoute Trois-Rivières, 819-376-4242. Salut, ici Octoplot et on est très content de vous présenter notre deuxième album, Le Démon Normal. Et j'aimerais profiter de la tribune ici pour savoir si vous avez retrouvé mon sac à dos que j'ai égaré à l'université il y a 2 ans. Je soupçonne qu'il m'ait été volé et il y avait des souliers à l'intérieur. Alors, ne manquez pas Le Démon Normal à suivre. Bon, tu m'as assez achalé, Horace, là, vas-y. C'est ridicule, c'est ridicule. On vient d'entendre la formation de Bergen en Norvège, Enslaved, et la pièce titre de ce 13e album paru le 10 mars 2015, soit In Times, sous étiquette Nuclear Blast. À noter que c'est avec cet album, je dois dire, en toute honnêteté, sincérité et franchise, j'en pense, c'est des meilleurs, que le déclic s'est vraiment fait pour moi avec Enslaved, surtout du fait que j'avais eu le plaisir d'assister au concert de cette tournée en compagnie de mon comparse Rockmaster ainsi que notre ami DJ Tower of Death. Très bon spectacle et encore aujourd'hui, je dois dire que j'en garde d'excellents souvenirs et j'aime beaucoup cet album In Times. Juste avant, nous avions D'Atlanta, Mastodon et la pièce Capillarian Crest. On retrouve sur leur 3e album Blood Mountain qui est paru le 12 septembre 2006 sur Reprise Records. Formation pour laquelle j'ai eu d'excellentes paroles par le passé. Aujourd'hui, je commence à c'est un peu moins élogieux en ce qui me concerne, mais quand même, très bonnes choses qui ont été faites à Mastodon. Malheureusement, sont pas très bons. Visuellement, sont un peu plates en spectacle. Et nous avons ouvert avec, bien entendu, des maîtres à penser dans le métal progressif, soit de Stockholm en Suède, Hopeth, et la pièce, la très bonne et longue pièce de Funeral Portrait, on trouve sur un album iconique du métal, mais bien entendu la discographie de Hopeth, soit Black Water Park, qui est paru le 12 mars 2001, c'était leur 5e sur Music Foundation. Ici, à l'instar de Mastodon, qui ne donne pas un très bon spectacle, mis à part le chanteur-bassiste qui, à l'occasion, se laisse aller un petit peu. Hopeth sont très statiques sur scène, généralement parlant. Par contre, ils sont très charismatiques et spécialement Mark Akerfeld, lorsqu'il fait des commentaires ou lorsqu'il fait ses interventions en certaines pièces envers le public, c'est un... J'ai déjà dit, je le répète, Mark Akerfeld, c'est le Jerry Seinfeld du métal. Voilà. On va poursuivre métalliquement, cette fois-ci, avec une version de bloc un peu plus à la death metal, que je dirais death metal, oui, mais avec une tendance peut-être un peu plus, entre guillemets, ambiante. C'est beaucoup dire, là, mais je trouve pas d'autres qualificatifs parce que c'est pas nécessairement de la défonce, là, ici. On va entendre, entre autres, Malakesh, Discarnate, mais tout de suite, allons-y avec la très bonne The Demon's Breath de la formation polonaise Nomad. Go! We'll be right back. I'm not afraid of the dark. everybody. This is Ash Medai from Malakesh. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Yeah. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Besoin de parler, de vous confier, de partager. Télécoute Trois-Rivières. Du lundi au jeudi de 15 à 22h, vendredi et samedi de 18 à 22h et dimanche de 18 à 21h. Parce que la vie est pleine d'émotions, Télécoute Trois-Rivières. 819-376-4242. Cet automne, à la Maison de la culture de Trois-Rivières, François Bellefeuille essaye des nouvelles affaires en rodage les 11 et 12 octobre. Philippe Laprise présente son projet Entre deux shows les 19 et 20 octobre. Et Juste pour rire offre des 5 à 7 à la fois drôles et intimes les 12 et 26 octobre ainsi que le 30 novembre. Pour la programmation complète, consultez onspectacle.ca. Une présentation de Cogeco. Vous êtes assez fou. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Andel Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h, avant cette pause publicitaire. Nous avons entendu un bloc constitué de formations, de formations européennes, effectivement, qui donnait dans un blabla, qu'est-ce que je raconte, moi? Death metal. Je disais tout à l'heure atmosphérique, et je l'ai dit, le terme est très exagéré, mais en même temps, on n'a pas assisté à du Hate Eternal. Il s'agissait de Melakesh, originellement de Jérusalem, et ils ont dû quitter l'endroit par cause de sécurité. Je suppose que c'est à cause de la musique qu'ils interprètent. Ils sont aujourd'hui dans l'Inde, formation qui existe depuis, ma foi, je crois que c'est 2003-2004, je vais vérifier. Entendu la pièce Goals of Nineveh, qui est tirée, la pièce d'ouverture de l'album The Hippie Genesis, cinquième album, qui est paru le 1er octobre 2010 sur Nuclear Blast. Très bon album, c'est encore mon préféré à ce jour. Juste avant, nous avions très belle découverte pour moi cette année, malgré qu'ils en sont déjà leur troisième album. Je parle de la formation de Horsham en Angleterre, Discarnate, et ce troisième album, With All Their Might. La pièce Treader in the Place, qui selon moi, c'est ma préférée de l'album. Ils sont pas tous dans ce mood-là, ils sont un peu plus énergiques. Mais quand même, c'est vraiment très, très bien, Discarnate. Paru cette année, bien sûr, sur Unique Leader. Et nous avons ouvert le bloc avec The Pologne Nomad. Et leur cinquième album, Transmigration of Consciousness. Leur cinquième album paru le 21 mars 2011. Et à ce jour, toujours le dernier paru, sous étiquette Witching Hour Production, la pièce étant de Demon's Breath. Je vous parle de la première nouveauté de la soirée qui s'adresse à un groupe de Suisses, de Sion. Formation qui existe depuis 1987, qui porte le nom de Samael. Samael, c'est aussi, selon les littératures apocalyptiques de rabbinique, l'ange de la mort. Samael, qui a fait ses débuts en 87 pour trois albums dans un style black metal. Aujourd'hui, bien sûr, ils sont à des années possiblement lumière de ce genre-là, puisqu'ils donnent dans un industriel, un métal industriel très électronique, qui me plaît beaucoup. C'est comme j'expliquais sur le site de réanimation AD.com, de Mac chronique de cette nouvelle parution de Samael, et autant que je l'expliquais, je crois, la semaine dernière, lors de l'annonce de ses présentations, faut être disposé à aimer la musique à tendance industrielle. Ce n'en est pas vraiment, ça, vous entendrez pas du Einstein New Button avec Samael, c'est certain, mais il y a des fortes influences, bien sûr, faut apprécier ce qui est un peu plus électronique. Donc, je vous parle de ce 11e album, Hegemony, qui est paru le 13 octobre dernier, donc c'était vendredi il y a 2 semaines, sous étiquette Napalm Records. Un 11e album, effectivement, pour Samael. Sont contenus que la formation existe depuis 30 ans, c'est pas énorme, 11 albums, mais je me répète, mais les groupes aujourd'hui pour vivre doivent tourner énormément et passer peut-être moins de temps en studio, ou en fait avoir moins l'opportunité d'y consacrer du temps. C'est l'album que je trouve fort correct, honnêtement. J'aime bien généralement ce que Samael ont fait, et même la portion black metal, il y a des choses que j'ai bien appréciées de eux, je dois avouer. Ce nouvel album, Hegemony, c'est juste bien. Je pense, là, si on aime le style, c'est juste bien. L'album est pas mal tout bon, il est pas mal tout égal aussi. Il est extrêmement bien produit. Je pense que la seule chose qui me reste à faire, c'est de vous dire, on va écouter 3 pièces dans l'ordre, la pièce homonyme, Samael, qui va être suivi de Angel of Wrath et The Red Planet, tiré de Hegemony. Vous êtes en réanimation. Let's go! We're strong and well legion. We're Il est 20h15. Toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On vient d'entendre la formation suisse de Sion, Samael, l'ange de la mort. Trois pièces tirées de leur plus récente parution, soit du 13 octobre dernier, c'est-à-dire vendredi, pas la semaine dernière, mais l'autre, sous étiquette Napalm Recordings. L'album Hegemony, qui est leur 11e. On vient entendre la pièce Red Planet, précédée de Angel of Wrath, ainsi qu'en ouverture, la pièce homonyme Samael. Très bon album. Je dois dire honnêtement que... comme je disais tout à l'heure, faut aimer le genre, bien sûr. C'est peut-être pas... Si vous n'êtes pas prédestiné à la musique à tendance un peu... c'est pas énormément électronique, mais on sait qu'ils utilisent beaucoup d'électronique pour le faire, ou voire industriel, c'est peut-être pas la peine de vous y attarder. Moi, j'ai accordé quand même un 8 sur 10, que je considère comme étant une note très, très correcte pour cet album. Écoutez, on va aller... Oui, je pense qu'on va aller tout de suite aller à la deuxième présentation de la semaine. Si on va avoir le temps de tout faire, ce qui m'étonnerait énormément. On l'a fait la semaine dernière, le Rockmaster et moi à Rock Classic, c'est-à-dire qu'on vous a introduit, pour ceux d'entre vous qui suivent les deux émissions, au 14e album de la formation norvégienne Enslaved, qu'on a entendu en début d'émission, bien sûr. Formation qui donne dans un black viking progressive metal. Disons-le ainsi. Une formation qui existe depuis 1991 et, comme je l'ai dit, qui en sont leur 14e album, qui porte simplement le titre de I ou E, si vous préférez la lettre E, qui a une signification runique, bien sûr, puisque c'est viking, hein? C'est Hewaz qui se représente comme un M dans les runes vikings et qui... je parle dans son aspect graphique, bien sûr, qui signifie cheval, ainsi que confiance et coopération. Donc, à prime abord, ça peut avoir l'air de pas vraiment avoir de rapport entre cheval, coopération et confiance, alors que non, puisque les chevaux étaient des bêtes qui ont été domestiquées depuis l'âge des temps. Les propriétaires de chevaux, généralement parlant, je dis bien, les traitaient avec beaucoup d'égard parce que c'était des aides précieuses, mais c'était aussi des bêtes en lesquelles ils avaient énormément confiance. Donc, ça peut prendre probablement son sens à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet album d'Enslave? Eh bien, je l'ai trouvé complètement pourri. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Je l'ai trouvé vraiment archi pourri. Non, pas du tout. J'ai bien aimé cet album. Moi, je suis pas un amateur de viking metal proprement dit, mais quand on ajoute le préfixe progressive, ça peut susciter un peu plus d'intérêt pour moi. Et c'est le cas avec Enslave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je les ai découverts il y a quand même un bon nombre d'années, mais j'ai eu un déclic peut-être plus en 2015 avec l'album In Times. Je me répète, mais quand même, pour ceux qui viendraient de se joindre à l'émission. Et je constate que c'est un groupe fort respectable qui ont une musique intelligente, bien composée. Ils ont des aspects qui sont plus dans le fond, si vous me passez l'expression, puis c'est pas le cas, tant pis pour vous, mais qui reste quand même très bien intégré à leur vision qui est plus, progressive, bien sûr, mélodique aussi par moment, et ma foi, cérébrale, oui, effectivement, c'est le cas de le dire. À Rock Classic que nous avons proposé, je crois que c'était deux ou trois pièces, je ne suis plus certain. Il y en a une qu'on va retrouver dans ce que je vous propose ce soir, parce que le Rockmaster et moi avions probablement eu les mêmes coups de cœur, peut-être, ou en fait impression pour cette pièce. On va écouter deux tout de suite qui sont respectivement The River's Mouth ainsi que Sacred Horse Enslave. Let's go! We'll be right back. Yeah. Vous êtes assez fou. Les paparazzis C'est fou, c'est la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Les 40 meilleures pièces francophones et anglophones de la semaine. Les top albums canadiens et loud et les chroniques musicales comme C'était fou, Palmarès in Peace et Huile de palmarès. Les paparazzis C'est fou, du lundi au jeudi de midi à 13h, édition week-end les samedis dès midi. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. C'est fou, 89.1 FM. ...20h35, il en reste moins qu'il y en avait à faire. Avant la pause publicitaire, on a eu deux pièces tirées du dernier album de Enslave. C'est norvégien. L'album portant le nom de Eowas, qui est paru le 13 octobre dernier. Leur 14e en carrière, sous étiquette Nuclear Blast. On a entendu la dernière pièce du bloc Sacred Horse. Longue pièce de 8 minutes 12. Qui donne beaucoup d'échantillonnage au niveau musical, très bonne pièce. Et une ouverture de bloc, la deuxième de cet album, soit The River's Mouth, une pièce que j'aime beaucoup. C'est un bon album auquel j'attribue une note de 7,5 sur 10. Qu'est-ce que je voulais dire, donc? Oui, c'est ça, t'as raison, effectivement. La semaine prochaine, ne manquez pas le spécial de réanimation Halloween, parce que effectivement, mardi prochain sera le 31 octobre, donc la journée, la soirée d'Halloween, un spécial que je vous aurai pas encore complètement complété à concocter, mais qui s'en vient assez bien, qui devrait être, je vous espérais, intéressant. Allons-y tout de suite, tiens, pour la chronique cinéma. Je n'ai écouté qu'une seule nouveauté depuis la semaine dernière. Il n'y a pas énormément de choses qui étaient disponibles. Un film qui s'appelle 1922, qui est un film tiré d'une nouvelle de Stephen King. Je me suis dit, Stephen King, c'est un bon auteur. C'est un bon écrivain qui a fait de bons trucs, en a fait de moins bons, mais il en a fait majoritairement de bons. Par contre, les adaptations cinématographiques des romans ou des nouvelles de Stephen King ne sont pas tous excellentes. Et ici, 1922 ne faisait pas exception. C'est un film d'horreur à connotation hantise, c'est ce qu'on dit dans le résumé, alors que moi je suis pas vraiment convaincu, qui met en vedette Thomas Jane, Bonnie Parker et Dylan Schmidt, qui raconte... un homme dans 1922, bien sûr, qui est un cultivateur, un fermier, qui vit seul en retrait avec sa femme et son fils, qui est un adolescent d'une quinzaine d'années. Et lui, il travaille énormément pour pouvoir faire profiter sa terre et en vivre, chose qu'ils ne font pas à ce moment. Son fils l'aide beaucoup, va à l'école, lui donne un bon coup de main et croit aussi beaucoup à pouvoir prendre la relève de son père, alors que l'épouse de ce dernier, eh bien, elle considère qu'ils n'ont rien à foutre là. Elle vient d'hériter de son père un gros lot de terres cultivables qu'elle désire absolument vendre à un voisin qui est assez richissime et pouvoir sacrer son camp de là pour s'établir en ville et ouvrir un magasin de vêtements. Ce qui va complètement à l'encontre des désirs et de la volonté de son époux, qui fait tout en son pouvoir pour la persuader du contraire et, devant ce refus obsessif de sa part, décide de passer à l'action, c'est-à-dire de l'éliminer. carrément. Avec l'assistance de son fils, qu'il a réussi à convaincre et mettre de son côté. Jusque-là, j'ai trouvé que le scénario pouvait être intéressant. Mais au bout de, je dirais, 20-25 minutes, ben, le meilleur est passé parce qu'après, ce n'est que. Ben, comment je pourrais dire. C'est, on étire le temps avec une espèce de... Ben évidemment, ça, rien roule pour le cultivateur comme il l'avait pensé. Bon, il tombe dans une espèce de démence qui est pas très, bien décrite. On sait pas trop pourquoi. Tout va de mal en pis. Mais ça devient pratiquement un drame social à un certain moment donné, oui, tout à fait. Et la connotation hantise, elle est tellement rarissime dans le film que ça nous fait carrément décrocher. J'ai écouté le film en entier, simplement par acquis de conscience de pouvoir en parler, malheureusement pas en bien ce soir. Mais non, 1922, c'est pas un film que vous devriez, auquel vous devriez vous attarder. Au niveau graphique, au niveau pictural, il est très beau. Il est quand même assez bien tourné. C'est un film qui a été produit par Netflix. Ce ne sont pas nécessairement d'énormes productions cinématographiques, mais quand même acceptables, là, et correctes même, devrais-je dire. Mais il reste que c'est un film qui est très lent et qui est finalement assez plate, somme toute. Mais par contre, j'ai quelques petites recommandations que vous pourriez peut-être commencer à envisager pour votre soirée d'Halloween ou qui sait, votre week-end pré-Halloween. Voilà, un film que j'ai avec lequel j'ai renoué. C'est un téléfilm qui avait été présenté comme étant une mini-série en deux films d'une heure trente, un peu comme ce qui avait été fait avec... Salem Slot, parce que je parle de It, l'original de 1990, qui est aussi tiré d'un roman de Stephen King, par contre, qui est bien. J'ai renoué avec le film le week-end dernier parce que il y avait bien longtemps que je l'avais pas vu, puis je me suis dit, ce serait intéressant de le redécouvrir, surtout que j'ai pas encore eu le temps de pouvoir voir le remake, qui semble être excellent. C'est un bon film, mais il faut savoir que c'est un film tourné pour la télévision, donc ça a toujours une connotation un peu plus, restreinte, mais c'est un bon film. It, c'est le clown Pennywise est assez machiavélique, merci, assez démoniaque. Donc c'est un film que je vous suggère soit de découvrir la version originale de It ou de redécouvrir. Un classique, un incontournable, The Return of the Living Dead de Dan O'Bannon, un film de 85 qui est un film d'horreur, zombie à connotation, comédie. C'est vraiment un pur chef-d'œuvre, ce film-là. C'est délectable de A à Z. Return of the Living Dead, c'est iconique pour les amateurs de films d'horreur dont je suis. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez découvrir là encore ou redécouvrir. The Others, un film d'horreur à connotation hantise, et cette fois-ci pour le vrai. Un film de Alejandro Amenábar qui met en vedette Nicole Kidman. C'est un film de 2001. Un film que je considère encore comme être un des meilleurs dans le genre. C'est vraiment surprenant. Si vous n'avez jamais vu le film, ça vaut vraiment la peine. Parce que autant M. Night Shyamalan aura pu nous surprendre avec quelques titres dans son dénouement, tels que, entre autres, Le Sixième Sens. Ou Le Village, que ce film de Alejandro Amenábar a réussi à faire avec un dénouement tout à fait surprenant et, ma foi, fort original. The Others, je vous le conseille fortement. Côté remake, La Malédiction, The Omen, un film de 1976 qui mettait en vedette Gregory Peck, c'est un icône, ça aussi, dans le film d'horreur, de Possession. En 2006, il y a eu un remake qui a été fait de ça, de John Moore, qui met en vedette Liv Schreiber, Julia Stiles et Mia Farrow. C'est un très bon remake de The Omen ou La Malédiction. Ça aussi, je vous recommande fortement. From Hell, film d'horreur fantastique, connotation thriller, des frères Hughes, Albert et Alan, qui mettent en vedette le très bon Johnny Depp. Il était très bon à l'époque et peut-être qu'il commence à être un peu moins bon. Johnny a pris de mauvaises décisions dans les dernières années, mais bon, l'époque était excellent, ainsi que Heather Graham et Ian Holm, et qui raconte l'histoire d'un détective de Scotland Yard qui enquête sur les meurtres de Jack l'Éventreur. C'est vraiment excessivement bien fait. Ça aussi, ça a une petite fin un peu surprenante, donc c'est un très bon film, From Hell, film de 2002. Ben, vous le savez, je suis un fan de Frankenstein et de tout ce qui s'y rattache, donc je ne pouvais pas passer à côté de vous proposer Victor Frankenstein, un film de 2015 de Paul McGuigan qui met en vedette Daniel Radcliffe. Oui, effectivement, c'est bel et bien le Harry Potter, vraiment excellent dans le rôle du fameux, entre guillemets, Igor de Victor Frankenstein, son assistant. James McAvoy qui incarne Victor Frankenstein, ainsi que Jessica Brown Findlay. Très bon, très très bon film d'horreur, parfois un peu gore, connotation fort fantastique, c'est vraiment très bien réalisé. C'est assez fidèle, je dois dire, de l'histoire originale de Mary W. Shelley et du film, le premier film de 31, qui mettait en vedette Colin Clive et Boris Karloff. C'est assez fidèle, bien sûr, adapté pour l'époque, soit 2015, mais c'est un très bon film. Wolfman, qui est un autre remake, adapté, mais pas tant que ça, un film, bien sûr, d'horreur, de loup-garou, de Joe Johnston, qui met en vedette Benicio del Toro et Anthony Hopkins, ainsi qu'Emily Blunt, et qui ramène pas mal le film des années 30 aussi, qui avait été interprété par Lon Chaney. Wolfman, c'est un bon film d'horreur, les effets sont très bons, évidemment. C'est un film qui est fortement à voir. Et en conclusion, ben un grand classique qui a rapport directement avec Réanimation, un mi-film fétiche, qui est un film de 85 de Stuart Gardner, dans la lignée des films de la Full Moon, c'est-à-dire Reanimator, un film d'horreur zombiesque, si je puis m'exprimer ici, qui met en vedette Jeffrey Combs, Bruce Abbott et Barbara Crampton. C'est vraiment tout à fait délectable, ce film. C'est un peu maladroit par moment, mais ça fait partie de tout son charme. Reanimator, c'est un classique dans le film de zombie. Donc, ça peut être quelque chose vraiment à revoir et à revoir encore plusieurs fois. On va poursuivre musicalement avec la dernière présentation de la soirée, parce que le temps presse quand même. Formation qui nous vient de Norvège, encore de Oslo. Sarke, comme je l'ai dit en début d'émission, est-ce que je le prononce correctement? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait des recherches pour savoir comment il se prononçait. Je l'ai complètement oublié. Mais ce que j'ai encore plus oublié, c'est comment prononcer le titre de ce cinquième album qui est paru également le 13 octobre dernier, qui porte le nom de, puis là, vous pourriez rire, mais c'est pas grave, vous entendrez pas. Vijgwurf. Quelque chose comme ça, Vijgwurf. C'est V-I-I-G-E-U-R-H. Je suis désolé, mais mon norvégien est fort rouillé. Deux pièces qui sont parues de cet album, le 13 octobre, comme je le disais, sur Indie Recordings. C'est leur cinquième. Et je lui ai accordé une note quand même assez intéressante, je dois dire. Je me rappelle que c'est Sinistros, à l'époque, qui m'avait fait connaître cette formation-là. J'ai accordé une note de 7,5 sur 10. C'est pas décevant. Dans le genre, faut bien dire, parce que ça a une connotation qui est black trash metal, ben c'est assez bon, merci. Je vous propose immédiatement d'aller écouter deux pièces que je vais être encore obligé de répéter, le Vijgwurf, bon, la pièce titre, si vous voulez, ainsi que Knife Hall. Let's go. Observe the age chapter. Living the rustic lifestyle, following the crooked path of night, during the light of a full moon, the reaper could harvest the crops, outlaws of the era. Under the cover of darkness, that a new moon offered, execute dastardly deeds. Identified by the victims, the scars tells its story. Hypnotizing, deadly, a death mark on the wall, the small window, the closed door, 20h54 et l'émission tire vraiment à sa fin. On vient d'entendre deux pièces tirées de Sarkey, deux pièces tirées de leur plus récent album qui porte le nom de ça là, hein? Tu vas vous l'appeler, ça va être plus simple. V-I-I-G-E-U-E-H-R-H-R-F. Aucune idée. Cinquième paru le 13 octobre dernier. Et vous auriez peut-être reconnu au vocal Nocturno Culto de Dark Throne, bien sûr. Deux pièces étant Nightfall à l'instant et précédée de la première pièce d'ouverture de l'album, la pièce titre que je vais laisser tomber la prononciation, tiens. Ben, c'est un album auquel j'ai accordé quand même un 7,5 sur 10. Je trouve que c'est assez intéressant dans le genre. C'est assez minimaliste, on s'entend. Mais il reste que c'est assez efficace aussi. Donc, c'est peut-être intéressant pour vous d'aller pouvoir vous procurer cet album-là et de le découvrir dans son entier. Mais quoique, au fil des prochaines semaines, vous allez probablement pouvoir entendre d'autres pièces de cet album, ici même à Réanimation. Parlant de métal, ben la semaine prochaine, je vous l'ai dit, ça va être une émission spéciale dédiée à l'Halloween. Donc, je devrais recevoir le Bonhomme Carnaval et Pillsbury, qui n'ont aucun rapport avec l'Halloween. Ben, à moins qu'on se déguise comme ça, ce qui n'est pas une bonne idée. C'est un spécial Halloween, horreur, métal, est plus présent que toujours et que jamais, devrais-je dire. Et si vous aimez aussi continuer à écouter du métal dans la semaine, ben bien sûr, Jean Matière Noire qui s'en viennent à 21h. Et aussi notre ami DJ Tower of Death avec Subversion. Mission qui présente sur Underground Québec à tous les vendredis de 18h30 et que vous pouvez récupérer par podcast sur SoundCloud. Mission qui a déjà, que je crois qu'il est rendu à sa 103e édition ou il va faire sa 104e, je ne sais plus trop, là. Mais c'est dans ce coin-là. Donc, chapeau. Et aussi, Il y aura enregistrement, pour ceux que ça pourrait intéresser, dans les semaines subséquentes à Subversion, un enregistrement de Metal for Breakfast qui se fera le 4 novembre prochain avec, évidemment, DJ Tower of Death, c'est sûr, c'est l'instigateur de ce produit, ainsi que Denis Sasquatch Bart, moi-même, votre même serviteur, et possiblement le Rockmaster qui a été invité aussi. Et tout ça dans le cadre probablement de parler aussi de la tournée d'Aggression qui arrêtera ici à Trois-Rivières le 4 novembre prochain, samedi 4 novembre prochain, dans le cadre du Trash Fest au Rock Café Le Stage. Et qui sait? Soyez attentifs, peut-être que vous me verrez sur scène. Bref, c'est à suivre. Je voulais. Qu'est-ce que je faisais là, moi là? Et n'oubliez pas, vous, vrais amateurs de vrai rock, d'écouter Rock Classique ce vendredi dès 11h30. Dès 11h! Sur les ondes de Cifou 89.1. Ben voilà. 89.1 FM. Avec mon ami le Rockmaster Alain Lefebvre, qui cette semaine fera cavalier seul et qui vous présentera entre autres des albums classiques, dont un qui sera vraiment très surprenant là, pour le Rockmaster, soit Nevermind the Bollocks des Sex Pistols, ainsi que ses chroniques actuelles. Ses chroniques habituelles. Là, c'est incroyable. Ses chroniques actuelles, je dis n'importe quoi, habituelles, sur les éphémérides, les albums classiques, comme je viens de le dire, mais aussi les groupes obscurs. Donc, pour les vrais amateurs de vrai rock, ce vendredi dès 11h jusqu'à 17h, Rock Classique, c'est Fou 89.1 FM. Je vous laisse avec une portion de dernière pièce qui est d'une formation death metal que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Immolation. The Comfort of Cowards. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ce spécial Halloween. Et d'ici là, allez tous vous faire foutre. Bande d'enfoirés. Let's go!